s'est rencontré 7 ans sortant de chez nous. Quand je l'ai vu arriver en plein milieu de la rue, même le ciel ne l'a pas vu. Arrivé comme le nuage, les deux yeux de mon visage, il les a pourtant cherchés sur les traces de leur passé. Pour en finir à mettre la boîte, pour en finir une fois pour toutes, cherche pourtant encore le fil, le signal à mon alarme. La panique s'est installée, c'est peut-être juste passager. Toutes les sons sont bien permis, ça prend juste un peu de courage pour un jour y arriver, de sortir de son naufrage. Toutes les coups sont bien permis, au troisième je lâche les gants. J'ai plus le goût de jouer au grand, j'y arrive plus comme avant. De la porte, là quand on s'est rencontré, 7 ans sortant de chez vous, c'est là que je venais rappeler. Il faut pas courir après, il finira par tourner. Le système s'est emparé, la moitié du monde entier. Le matin tu finiras accroupi sur le plancher, en pleine face dans tes céréales. La fatigue vient le poignet, on cherchera toujours pourquoi. On se fondre dans le temps, les rivales font semblant, personne n'a jeté les gants. Le miroir s'est retourné, ça a permis de se regarder. Quelque chose comme un mirage, il nous donne le goût de partir. En tenant à au sud, dès que les choses restent à sa place, et il restera toujours les yeux et de la poussière dans la face. De la porte, là quand on s'est rencontrés, 7 ans sortant de nulle part, c'est là que je m'en ai rappelé. Ils vont dire d'affaires vides, tu sauras jamais pourquoi. Sont tellement organisés, la machine tire de toi. La moitié de ses lunettes, les oeillets sont menacés. Le silence un peu blasé, surtout si tu l'as vendu. Le signal est entendu, du plus haut des convendus. Les pignons sont bien en place, tout le monde attend la farce. Sera-t-il toujours fidèle, aussi bien qu'il soit docile. Quand quelqu'un frappe à sa porte, les changements sont amorcés. Finalement, tout a changé, et les cartes sont passées. Les bonnes sont découvertes, vont-ils enfin s'en passer.